Chapitre 2e. J'ai fait aujourd'hui une promenade au bord de la mer qui était toute d'azur. Des centaines de mouettes blanches rasaient les vagues et revenaient sur la verdure des arbres au pied desquels mes pas enfonçaient dans les mousses dorées. Au loin, les navires avec leurs voiles ressemblaient à d'autres mouettes en voyage. Les oiseaux chantaient dans les feuilles. Les daims, subissant le charme infini de cette nature, s'avançaient par troupes, regardaient tremblants, puis au bruit de certaines rafales, s'enfuyaient dans leurs retraites les plus mystérieuses. La contemplation m'a ravi jusqu'à l'adoration. Je m'en suis retourné au milieu d'un songe. Le ciel, qui était bleu pâle, est devenu gris perle. Il avait la suavité inexprimable d'une lumière dans une lampe d'albâtre. Avant de rentrer au château, je me suis assis un peu sous un buisson, parmi les fleurs du fossé. J'ai pris plaisir à écouter un vieillard ambulant qui jouait du violon près du cimetière. Une cigogne perchée au sommet du clocher semblait l'écouter aussi. Une chose charmante, la plus charmante peut-être de la Fionie, c'est la baie, l'anse, le golfe. Ces déchirures des rivages, que les Danois appellent fjord, ont toutes les formes. Les flots s'y arrondissent ou s'y aiguisent. Ils s'insinuent, ils glissent, ils se précipitent. Ils creusent, ils mordent et découpent la terre en mille caprices. L'un de mes plus grands bonheurs, c'est de monter sur un petit cap et de regarder à droite, à gauche, la mer façonnant ses bords avec une grâce inattendue et des fantaisies sauvages. Le grand seigneur, le pasteur et le médecin m'avaient dévoilé le château, le presbytère, la maison de la bourgeoisie. J'ai voulu connaître les maisons des paysans. J'ai examiné plus de 200 de ces maisons. Il y en a de trois sortes. Les maisons qui ont cours entre quatre corps de bâtiments, avec plusieurs chevaux et plusieurs vaches, les maisons sans cour et qui n'ont qu'un corps de bâtiment sur un jardin, avec un cheval et une vache. Enfin, les maisons sans cour, ni jardin, ni vache, ni cheval, les maisons louées par ceux qui ne sont pas aisés. Les maisons des riches paysans sont fort cossues. Elles ont toutes des alcôves, de magnifiques poêles auxquelles sont suspendues des pipes énormes. Les lits sont bons, les chaises, les fauteuils, les tables, les commodes, les armoires, très solides. Les bassinoires en cuivre rouge ou jaune reluisent comme de l'or. Les horloges sont justes. Les estampes du Christ, de Christian IV, de Frédéric VI et de Napoléon, bien encadrées. Les Bibles, bien reliées. Les secondes maisons, assurément, ont moins de luxe que les premières, et les troisièmes, moins de bien-être que les secondes. Cependant, elles ont toutes, même les dernières, non seulement le nécessaire, mais l'utile. Chez ceux qui passeraient pour pauvres, s'il y avait ici des pauvres, je remarquais des bassinoires et des gravures, du superflu relatif. Toutes ces maisons d'ailleurs, à quelques catégories qu'ils appartiennent, ont à leurs fenêtres des rideaux et des pots de fleurs. Les hommes des côtes ont des maisons plus indigentes, quoiqu'aucune ne soit dénuée. Seulement, il est vrai que les pêcheurs sont moins opulents que les paysans. La mer est plus fallacieuse, plus sourde et plus avare que la terre. Je désire constater ici un fait qui honore les moindres hameaux du Danemark. Sur 100 paysans, 50 à peu près ont des vaches, et ces privilégiés-là donnent du lait à ceux qui n'ont point d'étable ou qui ont des étables vides. Ce lait, je le répète, ils le donnent, ils ne le vendent pas. Les mêmes donnent aussi, de temps en temps, de la bière, qu'ils font avec du houblon et de l'orge. Cette bière, très forte, ne vaut pas la bière allemande, elle est meilleure à la santé qu'au goût. Ordinairement, le peuple ne boit pas de vin. Quand il en boit, c'est dans les jours de fête, et ce vin est mauvais. Il n'y a presque pas d'ivrogne en Danemark, et très peu d'enfants naturels. Le mariage est sacré, l'amour illégitime, très rare. Tout le monde, dans cet excellent pays, a un confortable plus ou moins large, selon les fortunes. C'est déjà un assez grand prodige que personne ne souffre, que le besoin soit secouru efficacement dès qu'il est soupçonné. Qu'on juge au reste de la situation d'un peuple qui, sous les plus humbles cabanes, consomme ses 6 repas aux heures et dans les conditions suivantes. Le premier repas se fait à 5 heures du matin. Il consiste en soupe à la bière et en jambon frit. À 10 heures, c'est le second repas. Il se compose de langue beurrée avec du lard. Sur la table, les pipes sont chargées près du flacon d'eau-de-vie et du pot de bière. Le repas de midi est d'un gâteau d'œuf et d'une soupe au lait. Après quoi, on ne se refuse point une sieste d'une heure. La sieste finie, chacun prend le café, ce qui est un quatrième repas. Le cinquième repas est fixé à 5 heures du soir. Il est le même qu'à 10 heures du matin. Les beurrés au lard recommencent. À 8 heures, la journée se termine par une soupe au lait, des pommes de terre et de la viande, c'est le 6e repas. Le sommeil vient ensuite. je garantis tous ces détails, sur aucun desquels je ne serai démenti. J'ai la conviction, et plus que la conviction, la certitude d'un témoin. La richesse n'est qu'une des branches de la civilisation du Danemark. Elle n'est pas la civilisation entière, il s'en faut. La civilisation du Danemark, et en particulier de la Fionie, c'est aussi son instruction. Une instruction générale, qui lui-même dans la demeure de chaume des paysans, et qui comprend des notions d'agriculture, de géographie, d'histoire, de calcul, de philosophie pratique. La civilisation de ce pays est plus que cela. C'est encore l'instinct de son honneur national, l'aspiration à la liberté, à la dignité, la bravoure sur terre et sur mer, enfin une merveilleuse identification avec la Bible, ce livre de tous les foyers, cette seconde âme, cette âme traditionnelle qui, en faisant de Dieu le génie intime de chaque famille, rend un peuple entier religieux, touche en lui la fibre de la conscience et développe le sentiment moral sous tous les toits. Telle est, si je ne me trompe, la civilisation du Danemark. Elle est très grande. Elle est supérieure à la civilisation de l'Espagne et de l'Italie superstitieuse, à la civilisation de la France, où l'ignorance dénature les plus beaux élans, à la civilisation de l'Angleterre, trop endurcie en haut par l'accumulation de l'argent, trop corrompue en bas par les vices de la misère. Un jour, après le repas, j'assistais à la lecture des psaumes dans une maison de paysans. Un enfant jouait entre les pots de fleurs avec un grand chien noir au crin soyeux. Une jeune fille scandait en danois les versets sacrés. Le père et la mère écoutaient. Un vieillard, l'aïeul, en cheveux blancs, était adossé tout pensif à son fauteuil. Les voix, les regards, les physionomies, les lèvres, tout priait. Les mariages des paysans durent ici 7 jours. On mange et on danse 3 jours avant et 3 jours après. Le jour le plus intéressant à observer est naturellement celui de la célébration. Les jeunes gens à cheval précèdent le couple à l'église. La cérémonie est faite avec une pompe champêtre par le pasteur, puis les mariés s'en retournent comme ils sont venus, aux fanfares agrestes de la musique. Tous les repas qu'ils donnent sont apportés, mets par mets, des hameaux voisins. Le marié est très paré, la mariée l'est plus encore. Elle a une sorte de diadème où les fleurs se mêlent à l'or. Aujourd'hui, à Swinding, 100 personnes au moins étaient à une noce. Avant de dîner, les épouses se sont placées à l'extrémité d'une longue table. Chacun des convives, à son tour, a déposé dans un plat de faïence recouvert d'une serviette une pièce d'argent. Quand tous ont eu offert leur présent, le mari a enlevé la serviette pleine et l'a jetée dans un coffre. Il y avait dans cette serviette, m'a dit le pasteur, au moins 200 écus. C'est l'entrée en ménage de tous les couples rustiques, grâce à cette habituelle et réciproque magnificence. On a dîné ensuite gaiement, et j'ai entendu des chansons lorsque je suis repassé devant la maison en fête. J'ai longé le cours de la petite rivière de Konganchoy. Je savais qu'elle me mènerait à la mer. Cette rivière limpide traverse une campagne toujours accidentée, parfois sauvage. Les fleurs jaunes, roses, rouges, couvrent les bords de la Konganchoy. Elle me conduit parmi les avoines, les blés, les trèfles, les houblonnières. De village en village, de bois en bois, je suis arrivé à la mer, sillonnée de navires et de barques. Une forêt de hêtres, de frênes, de sapins, séparés par groupes, m'a donné de l'ombre jusqu'aux algues du rivage. Elles s'entrelaçaient en runes, ces algues, dont une partie baigne dans l'eau, dont l'autre partie sèche au soleil. L'air est vif et salin. Les flots sont d'une blancheur d'albâtre à mes pieds, puis ils verdissent, puis ils sont bleus, puis tout à fait lilas au loin. Je suis resté plusieurs heures dans un rêve de vagues mugissantes et de pensées tumultueuses. J'ai pénétré dans une petite maison de pêcheurs sur la côte. L'homme fumait une pipe. Sa femme étendait un filet près de la porte. Un garçon, aux cheveux très roux, ramassait des coquillages. Je me suis assis sur une rame à 2 pas du pêcheur. Lui a été chercher un pot de bière et une tasse. J'ai bu quelques gouttes de cette bière forte et j'ai fumé aussi. Nous nous sommes compris à l'aide de cette langue muette dont les spirales se confondaient au-dessus de nos têtes. Le matelot et moi, nous nous sommes serrés cordialement la main en nous quittant. Je suis revenu à Glorue par un autre chemin. À chaque moment, au moindre sommet, je voyais la mer écumer et je l'écoutais mugir. La Fionie, comme toute la terre danoise, est couverte de collines de gazon faites de mains d'hommes en l'honneur des héros. Ces monuments sont des sépulcres. J'en ai fouillé plusieurs. Ces tombeaux recelaient presque toujours des urnes où étaient enfermées les cendres des morts. on trouve encore parfois à côté des urnes des armes et des ustensiles soit de pierre, soit de bronze, soit de fer, qui se rattachent aux trois âges de l'histoire scandinave. Quelques savants reculent l'âge de pierre à 10 000 ans, l'âge de bronze à 20 siècles et l'âge de fer à 200 ans avant Jésus-Christ. Il y a non loin de Tarup une colline funéraire à laquelle se rattache une légende du 9e siècle. Une belle princesse de Danemark voyageait sous le règne de Charlemagne en Westphalie. Elle avait été rendre visite à sa tante Eva, femme de Wittekind. Le héros saxon habitait le château de Wittekindsberg, dont j'ai vu les ruines en passant à Münden. L'un des fils de Wittekind devint amoureux de la princesse Fionienne. Il était hardi et païen, tandis qu'elle était modeste et chrétienne. Elle eut peur du barbare. Elle craignit d'être outragée par lui si elle ne s'enfuyait. Mais comment échapper? Elle invoqua la Vierge Marie, qui la changea en biche, et la princesse Vola, c'était son nom, sous cette métamorphose, courut par monts, vallées et forêts jusqu'à la mer Baltique. L'Allemand la poursuivait sur le meilleur cheval de son père. Ce terrible guerrier s'appelait Thormann, et un célèbre magicien communiquait au cheval et au cavalier une vigueur surnaturelle. Vola, ne sachant où se dérober, ne consultant que son honneur, se jeta dans la Baltique et nagea si bien, par la grâce de la Vierge, qu'elle aborda à Langland, puis en Fionie. Thormann n'avait pas hésité non plus. Il s'était jeté avec son cheval à la mer et il suivait de près Vola. Il débarqua d'abord à Langland, ensuite en Fionie, quelques minutes après la princesse. Le cheval de Wittekind, fortifié par le magicien, aiguillonné par Thormann, les crins ruisselants, les naseaux fumants, arriva au château où la princesse était réfugiée et où elle avait repris la forme humaine. Elle avait été touchée de l'amour du jeune barbare qui était beau. Lui aussi, dompté par le sentiment qui lui agitait le cœur, ne commandait plus, il priait. Vola l'écouta sans colère lorsqu'il lui exprima sa tendresse. Il n'y avait qu'un obstacle à leur union. Thormann était païen. Vaincu par Vola, il embrassa le christianisme et obtint la princesse. Il renonça sans peine à l'Allemagne et vécut en Fionie où il se distingua par son courage. Il fut inhumé dans cette terre de l'amour, après avoir rendu heureuse la douce Vola. Le cheval qui avait traversé la Baltique à la nage fut enfui dans le tombeau de son maître avec les armes de Thormann et le bracelet de Vola. J'ai été visiter un peu plus tard un autre tumulus renommé sur la commune de Svinding. Ce tombeau très curieux se compose de 5 pierres énormes surmontées d'une pierre gigantesque, colossale, qui forme le dôme. Il y a encore une entrée ménagée qui se rétrécit peu à peu. À notre approche, une cigogne s'est envolée, comme une âme, de cette caverne funèbre. Un héros de mer fut enseveli là, au sommet de la colline. Il fut incendié sur un autel construit avec les débris du vaisseau qu'il montait dans ses courses. Une urne qui contenait ses cendres a été trouvée au fond du sépulcre. Cette urne se rattache au second âge du Danemark, à l'âge de bronze. En revenant à Glorup, nous avons rencontré des paysans, des paysannes, des enfants, des jeunes filles. Tous nous tiraient leur chapeau ou nous faisaient la révérence. Ici, les plus grands seigneurs sont très attentifs à saluer affectueusement les plus humbles villageois. La bienveillance est réciproque en bas comme en haut. Les égards répondent aux égards. Je n'ai rien vu d'analogue ni en France, ni en Allemagne, ni en Suisse, ni en Angleterre. La nation danoise, qui pousse la propreté jusqu'à l'élégance, porte la politesse jusqu'à la courtoisie. Au retour, nous avons examiné chambre par chambre le château de Rigard. Il est charmant et sévère tout ensemble. C'est la belle architecture des manoirs du Moyen-Âge. Je me souviendrai toujours des voûtes basses qui surplombent l'étang et qui rappellent Chillon. Je me souviendrai surtout de la salle des chevaliers, dont toutes les fenêtres s'ouvrent sur la mer. Il y a là une grande cheminée gothique. Selon la tradition, la châtelaine de Rigard, qui la première habita cette demeure féodale, se tenait au coin droit de la cheminée, attendant son époux, un compagnon du roi Jean, fils de Christian Ier. Elle filait sa quenouille sur un fauteuil en tapisserie, sans regarder le belt, sans se distraire de ses pensées et de son fuseau, tandis que tous ses serviteurs, placés sur des escabeaux de bois, se chauffaient de loin à l'âtre où brûlait un arbre entier, probablement un hêtre.